matin où l'envie fuit, où l'on attend sans savoir qui, on cherche un regard qui s'efface. Alors seul devant sa fenêtre, un court instant, bien plus peut-être, on s'invite chez les gens d'en face. On imagine pourquoi les volets restent clos quand il fait trop froid ou trop chaud. Y a-t-il quelqu'un pour les ouvrir? Pourquoi le sapin brille encore en plein été, drôle de décor, et sa magie qu'on veut tenir? Comme ces endroits où l'on traîne, dès lors que la vie se déchaîne, on croise des sourires qu'on invente. Dans ces jardins que l'on fréquente, on pose des ruptures sur les lèvres quand les paroles semblent trop brèves. On imagine parce qu'on a besoin d'un regard pour ne plus larguer les amarres. Exister aux yeux d'un soldat, on imagine. Parce que seul c'est jamais pareil, que les nuits je n'ai plus sommeil, parce que je te veux dans le fond de mon âme. Pourquoi les volets restent clos quand il fait trop froid ou trop chaud? Y a-t-il quelqu'un pour les ouvrir? Pourquoi le sapin brille encore en plein été, drôle de décor, et sa magie qu'on veut tenir? Besoin d'un regard pour ne plus larguer les amarres, exister aux yeux d'un soldat. Parce que seul c'est jamais pareil, que les nuits je n'ai plus sommeil, parce que je te veux dans le fond de mon âme. Pourquoi les volets restent clos quand il fait trop froid ou trop chaud? Y a-t-il quelqu'un pour les ouvrir? Pourquoi le sapin brille encore en plein été, drôle de décor, et sa magie qu'on veut tenir? Parce qu'on a besoin d'un regard pour ne plus larguer les amarres, exister aux yeux d'un soldat, parce que seul c'est jamais pareil.